Retrouvez Patron Incognito avec la comédie événement Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Bientôt au cinéma. C'était Patron Incognito avec la comédie événement Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Bientôt au cinéma.